بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ها نحن في الدرس السادس من هذه السلسلة في شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام. Nous sommes donc au sixième cours dans cette série pour l'explication du chapitre du jeûne dans Umdat al-Ahkam. Nous sommes arrivés au sixième hadith. An Abi Hurayra radiyallahu anhu, an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. Selon Abi Hurayra radiyallahu anh, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: celui qui oublie alors qu'il jeûne, et donc qui mange ou qui boit alors qu'il continue son jeûne, alors qu'il finisse son jeûne, car certes, c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé. Le hadith est donc rapporté dans les deux recueils, Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Zahiru hadha al-hadith, anna man akala aw sharib nasiyan fi nahari ramadan, fa sawmuhu sahih. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتم صومه سماه صوما. Ce qui est apparent de ce hadith est que celui qui mange ou qui boit en oubliant qu'il jeûne en pleine journée de Ramadan, alors son jeûne est correct. Son jeûne est valable. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alors qu'il finisse son jeûne. Vous remarquez qu'il l'a appelé jeûne. Il a appelé cela le fait de jeûner, même si l'individu a mangé et a bu. قال الحافظ ابن الملقن رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم خص الأكل والشرب من بين سائر المفطرات لأنهما أغلب وقوعا وإنهما لا يستغنى عنهما بخلاف غيرهما ولكن نسيان الجماع نادر بالنسبة إلى ذلك. الحافظ ابن الملقن رحمه الله, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité la nourriture et la boisson de façon spécifique, sans citer les autres éléments qui annulent le jeûne, car la nourriture et la boisson sont les deux éléments qui se produisent le plus souvent. Le plus souvent, la personne va rompre son jeûne par la nourriture et la boisson. Et aussi par le fait que ces deux éléments, la nourriture et la boisson, on ne peut pas se passer d'eux, contrairement à autre cause qui va rompre le jeûne. La nourriture et la boisson, nous ne pouvons pas nous passer de ces deux éléments. Ensuite, il continue donc, Al-Hafidh ibn al-Mulakkin rahimahullah, et il dit « Walakin cependant, walakin nanisyan al-jima'a » Cependant, le fait d'oublier le rapport est rare comparé à ces deux éléments. Et donc, le fait que la personne fasse un rapport pendant la journée du mois de Ramadan et qu'elle oublie qu'elle jeûne, cela est beaucoup plus rare que le fait de manger et de boire. Et ensuite, il continue, rahimahullah, et il dit « وَالتَّخْصِيصُ بِالْغَالِبِ » La yaqtadi mafhuman. Ensuite, il cite une règle. Cette règle, c'est le fait que Le fait de citer spécifiquement une cause qui se produit plus souvent que d'autres n'implique pas une compréhension spécifique. Qu'est-ce que cela veut dire ? Il explique par la suite et il dit. Ce qu'il veut dire par là, il dit « Fela yadullu dhalika ala nafyil hukmi amma ada » Il dit « Et donc, cela ne veut pas dire que le jugement va être rejeté à tout ce, va être rejeté concernant tout ce qui n'a pas été cité. » Et donc, il nous dit ici, Al-Hafiz Ibn al-Mulaqqin, il nous dit que lorsque un élément est cité dans les textes de la législation, parce que cet élément se produit plus souvent que d'autres, cela n'implique pas que d'autres éléments ne pourront pas avoir le même jugement que celui-ci. Entre autres, ici, le jugement, c'est quoi ? C'est le fait que la personne qui mange et qui boit en ayant oublié qu'elle jeûne, eh bien, son jeûne va être correct. Parce qu'elle a oublié, son jeûne va être valable. Est-ce que on peut appliquer d'autres causes avec ce même jugement, comme par exemple le rapport El-Jima'a? Est-ce que le rapport s'applique ici aussi? Ou alors est-ce que ce texte est spécifique et propre à la nourriture et à la boisson? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Fakhtalafa al-ulama في من أكل أو شرب ناسيا ذهب الجمهور وهم الحنابلة والشافعية وهم الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن صيامه صحيح واستدل بحديث الباب. Et donc les savants, tout d'abord, la première divergence, les savants, ils ont divergé concernant la personne qui mange et qui boit ou qui boit en ayant oublié pendant la journée de Ramadan. Elle a oublié quel jeu. La majorité des savants, c'est-à-dire les savants de l'école Hanafite, de l'école Shafi'ite et de l'école Hanbalite, ils voient que le jeûne de cette personne est correct, comme on l'a montré précédemment. Ils voient que le jeûne de cette personne est correct. Et ils se sont basés sur le hadith qu'on étudie aujourd'hui, le hadith de Abu Huraira. Pourquoi ? Pour la raison qu'on a citée précédemment. Car ce qui est apparent dans le hadith, c'est que le jeûne de cette personne est correct. خالفهم الإمام مالك فقال ببطلان صيامه. Et donc l'imam Malik, il les a contredits. Et il a dit que le jeûne de cette personne est caduque. Son jeûne est caduque, son jeûne il est annulé. لذلك قال بعض العلماء إنه أو إن الإمام مالك لم تبلغه الأحاديث في هذا الباب. Et c'est pour cela que certains savants, ils disent que l'imam Malik rahimahullah, il n'a pas connu les ahadiths qui ont été cités dans ce sujet, les ahadiths qui montrent que le jeûne de la personne elle est authentique. وهناك بعض الناس قد يتعصبون. Certaines personnes peuvent suivre aveuglément un imam. Et ils viennent souvent avec cette même phrase. Al-imam kana la ya'rifu hadha al-hadith. Est-ce que vous voulez dire que l'imam, il ne connaissait pas ce hadith? Comme si un savant, comme si un imam, il était mis en condition pour qu'il soit savant ou pour qu'il soit imam, qu'il connaisse tous les textes de la législation. Qu'ils connaissent tout. Non. Il est important de savoir, les frères, que nos savants sont des êtres humains. Ils peuvent oublier, peuvent ne pas connaître. L'imam Malik, rahimahullah, comme on a vu, lorsqu'on a étudié donc le chapitre du bon comportement dans le Muwatta, combien de fois des gens venaient l'interroger et quand ils ne savaient pas, ils disaient « La adri, je ne connais pas. » Je ne connais pas. Et donc, il faut arrêter de penser qu'un imam a la science infuse ou qu'il connaît tout. Et encore moins les étudiants en sciences. Et donc, il faut faire très attention en cela. Amma al-Malikiyya, fastadallu bil-qiyas. En ce qui concerne Al-Malikiya, donc les savants de l'école malikite, vous constatez, je fais la distinction entre l'imam Malik et les savants de l'école malikite. L'imam Malik, lui, il a dit que le jeûne de la personne était caduc. Par contre, ceux qui ont suivi l'imam Malik dans cet avis, eux, ils ont donc cherché des preuves. Ils ont donc cherché des preuves qui vont aller dans le sens, donc, de l'imam Malik. Donc, l'école malikite, ils nous disent donc, ils se sont basés sur Al-Qiyas, l'analogie. L'analogie, le fait de comparer deux éléments pour avoir un même jugement. Ils ont dit, qalu as-salatu fi as-salat man akhalla bi ruknin min as-salat nasiyan fa salatuhu batila wa lazimahu al-qada fa kadhalika as-sawm wal imsak a'zamu arkan as-siyam. Et donc les savants de l'école malikite, ils nous disent que concernant la prière, celui qui n'accomplit pas un des piliers de la prière, alors, celui qui n'accomplit pas un des piliers de la prière en ayant oublié, alors sa prière, elle est caduque. Sa prière, elle est caduque. Et il doit la recommencer. Il doit recommencer sa prière. Ils disent de la même façon le jeûne. Ils ont donc comparé la prière et le jeûne. Ils disent de la même façon le jeûne. Or, le fait de s'abstenir, l'abstinence, le fait de s'abstenir de manger et de boire, cela fait partie des plus grands piliers du jeûne. Tayyib. Lakinana ra'ayna sabiqan an al-qiyasa min adillati ash-shar' wa lahu shurut. Cependant, nous avons vu précédemment que le qiyas, l'analogie, le fait de comparer deux éléments pour leur donner un même jugement, comme on a vu ici entre la prière et le jeûne, l'analogie fait partie des preuves de la législation. Cependant, l'analogie, pour l'appliquer, il y a des conditions. Wa min shurutil qiyas, an la yusadim anassan. Et parmi les conditions de l'analogie, que celle-ci ne s'oppose pas à un texte. Que cette analogie que tu fais ne s'oppose pas à un texte. Fait innahu la qiyas ma'annas. Il n'y a pas d'analogie avec un texte. C'est-à-dire que ce qui est voulu par cette parole des ulama, c'est que on n'applique pas d'analogie lorsqu'il y a déjà un texte qui est présent. Il y a déjà une preuve de la législation qui montre un jugement sur une action. Tu ne vas pas venir avec une analogie qui va contredire ce texte. On ne va pas prendre une analogie, une comparaison et rejeter un texte du Coran et de la Sunna. أخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. Ibn Hibban, il a cité dans son sahih, selon Abi Hurairah radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui rompt son jeûne pendant le mois du Ramadan, en ayant oublié, alors il n'a pas de jour à rattraper, ni d'expiation. Il n'a pas de jour à rattraper, ni d'expiation. Wa hadha al-hadith صححه ابن حبان والحاكم وكذلك الذهبي. Et donc ce hadith a été authentifié par Ibn Hibban, al-Hakim ainsi que al-Zahabi et d'autres ulama, et parmi les ulama al-mu'assirin, Cheikh al-Albani rahimahullah, qui l'a jugé hasan. إذن الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الجمهور وهو المشهور عن الصحابة أن من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا فصيامه صحيح. Et donc l'avis le plus juste dans ce sujet est l'avis de al-Jumhur, la majorité des ulémas. Et c'est ce qui est connu des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait que celui qui mange ou qui boit donc pendant la journée de Ramadan en ayant oublié, alors son jeûne est correct. وأنبه على أن هذا يكون بشرط أن لا يبلع شيئا بعد الذكر. Et j'attire l'attention sur le fait que cela est conditionné par le fait que la personne n'avale rien après se souvenir, après s'être souvenu. فإن تذكر وبلع شيئا بعد ذكره فقد أفسد صومه. Et si cette personne, elle se rappelle et avale quelque chose, après s'être rappelé, alors la personne a rendu son jeûne caduque. Et donc, on fait attention à cela. T'as pas la nourriture dans la bouche et tu te rappelles, ah, je suis jeûneur. Ah, ben c'est déjà dans ma bouche, vas-y, j'avale. El-mas'alatu al-thaniya muta'alliqatun bil-mujami'i nasiyan. Et donc le deuxième sujet qu'on voit aujourd'hui, ce sujet est lié à celui qui va accomplir un rapport pendant la journée de Ramadan en ayant oublié qu'il jeûne. فَإِنَّا نَكُلْنَا إِنَّا النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْأَكْلَ وَالشُّرْبِ مِنْ بَابِ الْغَالِبِ لَا أَنَّ غَيْرَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ لَا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. Et on a dit précédemment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité de façon spécifique la nourriture et la boisson parce que ce sont les deux éléments qui se produisent le plus souvent. Ce n'est pas parce que les autres éléments que la nourriture et la boisson ne rentrent pas dans ce hadith. Ce n'est pas ce qui est voulu ici. Dans quel hadith? Le hadith où le prophète il dit, celui qui boit et qui mange en ayant oublié pendant Ramadan, alors qu'il continue son jeûne, alors qu'il termine son jeûne. لكن الإشكال مع الجماع أنه يصعب تصور النسيان فيه. Cependant, le problème qu'on va trouver avec le rapport, l'accomplissement d'un rapport, c'est qu'il est difficile d'imaginer l'oubli concernant celui-ci. Il est difficile d'imaginer donc que l'individu elle commette un rapport en oubliant qu'il jeûne. ثم إن نسي أحد الزوجين فالجماع أمر مشترك. Et donc si un des époux il oublie, alors il faut savoir que donc le rapport est un acte qui se fait à deux. فإن نسي أحدهما هل ينسى الآخر. Alors si l'un des deux a oublié, est-ce que l'autre qu'il oublie aussi, qu'il est en train de jeûner en pleine journée de Ramadan? فهذه القرائن جعلت بعض العلماء لَا يُدْخِلُونَ الْجِمَعَ فِي هَذَا الْحُكُمْ. Et donc ces éléments que je viens de vous citer ont fait que certains savants, ils ne vont pas faire le rapport rentrer dans ce même jugement. C'est-à-dire qu'ils vont dire celui qui boit et qui mange, en ayant oublié, alors son jeûne est correct, il continue. Par contre, celui qui a fait un rapport, c'est difficile d'imaginer qu'il ait oublié. Ils ne vont pas donner au rapport le même jugement que la nourriture et la boisson. والخلاف بين العلماء في المسألة كما يلي. Et donc la divergence entre les ulama dans ce sujet est comme suit. ذهبت الحنابلة إلى أن من جامع ناسيا فعليه القضاء والكفارة. الحنابلة, il voit que celui qui accomplit un rapport en ayant oublié pendant la journée de Ramadan, il lui incombe de rattraper et il lui incombe aussi l'expiation. L'expiation. Istadallu bi akhir hadithin dhakarahu al-mu'allif fi hadha al-bab. Et leur preuve, c'est le dernier hadith que l'auteur il cite. C'est le hadith qu'on verra demain inshallah ta'ala. Wa hadha al-hadith huwa hadith Abi Hurayra akhrajahu Shaykhan. Et donc ce hadith, c'est le hadith de Abi Hurayra radhiyallahu anhu qui a été cité par Shaykhan al-Bukhari et Muslim dans leur recueil. Fihi anna rajulan جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأنه جامع أهله في نهار رمضان فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة في ذلك ولم يسأله هل نسيت أم لم تنسى. Et donc il y a dans ce hadith qu'on verra demain, il y a le fait qu'un homme est venu voir le prophète صلى الله عليه وسلم en lui expliquant qu'il avait accompli un rapport avec son épouse pendant la journée de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donc cité l'expiation liée à cela, et il ne lui a pas demandé « Est-ce que tu as oublié ou tu n'as pas oublié ?» Il ne lui a pas demandé. Il lui a donné, donc il lui a cité l'expiation. « لَكِنَّهُ يُجَابُ عَنْ هَذَا الْإِسْتِدْلَلِ بِأَنَّ سِيَاقَ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ النِّسْيَانِ » لأن الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت يا رسول الله والهلاك لا يكون بالنسيان. Cependant, nous pouvons répondre à cette preuve, nous pouvons répondre donc à l'utilisation de ce hadith comme preuve, en disant que la formulation utilisée dans le hadith, elle montre qu'il n'y avait pas d'oubli. Elle montre que l'homme, il n'a pas fait un rapport en oubliant, mais que cela était intentionnel. Parce que l'homme qui est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, « Halaktu ya Rasulallah. » Je suis tombé dans la perdition, ô messager d'Allah. J'ai fait quelque chose de grave, ô messager d'Allah. Je me suis mis dans la perdition, ô messager d'Allah. Wal halaku la yakunu bin nisyan. Et la perdition ne se fait pas par un oubli. La perdition, c'est lorsque c'est volontaire. Akhraj Abu Daoud fi Sunani, an Abi Dharr. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. Abu Daoud a cité dans son recueil As-Sunan selon Abi Dharr que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit certes Allah a excusé ma communauté concernant les erreurs et l'oubli concernant l'erreur l'oubli et ce sur quoi ils sont forcés. Ce sur quoi ils sont forcés. Et donc il n'y a pas de halak, il n'y a pas de perdition concernant l'oubli. Et donc ça c'est le premier avis, l'avis d'Al-Hanabila. El-Qawlu Thani, le deuxième avis, Qawlu l'Imam Malik, Innal Mujami' fi Ramadan, Nasiyan, la yalzamuhu illa al-Qada. L'avis de l'imam Malik, rahimahullah, c'est que celui qui a accompli un rapport durant la journée de Ramadan en ayant oublié, alors il ne lui est imposé que de rattraper. Il ne lui est imposé que de rattraper ce jour. Pourquoi ? Quelle est la preuve de l'imam Malik ? ذَلِكَ أَنَّ الْكَفَّارَ تَدْبَعُ الْإِثْمِ. Pourquoi ? Parce que l'expiation est liée et suit un péché. Et ici, il n'y a pas de péché. Pourquoi ? La ithma ma'an-nisyan. Il n'y a pas de péché lorsque la personne oublie. Rappelez-vous le hadith qu'on vient de citer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Inna Allah tajawaza an ummati al-khata'a wa an-nisyan wa mastukrihu alayhi. » Allah a excusé ma communauté concernant l'erreur, l'oubli et ce sur quoi ils sont forcés. إذن لا كفارة على من في هذه الحالة لكنه يلزمه القضاء لكونه أفسد صومه بالجماع كمن أفسد صومه بالأكل والشرب. Et donc, il n'y a pas d'expiation concernant la personne qui est dans cette situation. Concernant la personne qui est dans cette situation, cependant, il lui est imposé le fait de rattraper ce jour à cause du fait qu'il a donc rendu son jeûne nul, à cause du fait qu'il a annulé son jeûne. Il doit donc le rattraper de la même façon que celui qui a annulé son jeûne avec la nourriture et la boisson. Et ça, c'est l'avis de Al-Malikiya. Les savants de l'école malikite. El-Qawlu Thalith wa huwa rajihu inshallah. Le troisième avis, et c'est l'avis le plus juste, inshallah ta'ala, huwa qawlu Abi Hanifa. C'est l'avis donc de l'imam Abi Hanifa et de l'imam Al-Shafi'i rahimahumallah. أن المجامع ناسيا في نهار رمضان لا كفارة عليه ولا قضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. Et donc ce troisième avis est que celui qui accomplit un rapport en ayant oublié pendant la journée de Ramadan, alors il n'a ni expiation, ni jour à rattraper. Parce qu'il a oublié, et la preuve de cela est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Certes, Allah a excusé ma communauté concernant l'erreur, l'oubli, et ce sur quoi ils sont forcés. Wa kadhalika qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, man aftara fi shahri Ramadan. Nasiyan fala qada'a alayhi wa la kaffara. Et aussi la deuxième preuve, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui rompt son jeûne pendant le mois de Ramadan en ayant oublié, alors il n'a ni jour à rattraper ni expiation. Celui qui rompt son jeûne, man aftara hadha am, cette parole est générale. Cette parole est générale, elle n'englobe pas que le fait de boire et de manger. Elle est générale, donc on se base sur l'aspect général du hadith. Wa hadha al-qawl intasara lahu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, et cet avis est l'avis qu'a choisi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. On va arrêter là pour aujourd'hui. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullahu khayra.